Document 3, page 56. Bon Alice, le lit, je le mets où ? Ici, à côté de la fenêtre. Tu es sûre ? Oui, et mets la table de nuit à droite du lit. Voilà, ce n'est pas mal ? Oui, c'est bien, mais où on va mettre l'armoire ? En face du lit ? Oui, pourquoi pas. Tu sais Clément, c'est très bien. Bonjour tout le monde, mais qu'est-ce que vous faites ? Ben, on change les meubles de place. Ah, je vois. Eh ben, c'est pas terrible. Moi, ça me plaît. Moi aussi. Viens voir le salon, la télé sous la table basse, c'est super. Oui, mais on ne peut pas la voir du canapé. Ça, c'est pas génial. Tu exagères. Assieds-toi sur le fauteuil et regarde. Super, non ? Et pourquoi vous ne mettez pas la télé dans la chambre, devant l'armoire ? C'est trop petit ici. Ah non, alors ça c'est nul.